Apocalypse 15, 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 3. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et vénérables, Roi des nations. » 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. 5. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. 6. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus de l'impur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. 7. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. 8. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis.